بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que parmi les causes préservant de la perdition, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est la nasiha. S'enjoindre la vérité, se porter le bon conseil et se faire le rappel sont donc des choses très importantes et des fondements de notre religion. Nous allons donc mentionner dans cet audio, par la permission d'Allah, un rappel et un conseil adressé à l'ensemble des musulmans par le noble Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Cheikh rahimahullah ta'ala. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في الدرر السنية قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد ابن إبراهيم إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين، رزقني الله وإياهم الفقه في الدين ومزيد التمسك بما بعث به سيد المرسلين، ومن علي وعليهم باقتفاء آثار الصدر الأول من سلفنا المصلحين. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من أعظم فرائد الدين التذكير بآيات الله وأيامه في خلقه، والتحدث بنعمه، والتحذير من أسباب نقمه، لما في ذلك من أسباب حصول الخير الكثير والسلامة من حلول العقوبات والتغيير. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: وذكرهم بأيام الله. للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله a dit, comme cela est mentionné dans le livre Ad-Durar As-Saniya, il a dit: de la part de Mohammed ibn Ibrahim, à tous ceux à qui ce conseil parviendra parmi les musulmans, qu'Allah m'accorde ainsi qu'à eux la compréhension de la religion, et qu'il augmente notre attachement à ce par quoi il a envoyé le meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il m'accorde ainsi qu'à eux le suivi des traces de nos pieux prédécesseurs. Amin. Salamun alaykum wa rahmatullah. Ceci dit, fait partie des plus grandes obligations dans la religion le fait de se rappeler des signes d'Allah et de ses jours, et de proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également de mettre en garde contre les causes menant à son châtiment. Et ce, car ces choses font partie des causes permettant d'atteindre de nombreux bienfaits et d'être préservé des châtiments et des changements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa dhakkir فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et il a dit: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Et il a dit: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et il a dit, جَلَّ وَعَلَى: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Et rappelle-leur les jours d'Allah. وأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده بعثة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهما العلم النافع والعمل الصالح. وأصل ذلك وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلامها، وخشعت ولانت بعد قسوتها، ونالوا بذلك من القوة بعد الضعف، والعز بعد الذل، والعلم بعد الجهل، ما فتحوا به البلاد وقلوب العباد، وعلت بذلك كلمة الله، وصارت كلمة الكفر إلى السفال والفشل والإذلال، وعزل سلطان الجاهلية والإشراك، فلله الحمد على ذلك. Et certes, le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs est l'envoi de son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidance et la religion de vérité, c'est-à-dire avec la science bénéfique et les œuvres pieuses. Et la base de tout cela est l'adoration d'Allah seul sans associé et le délaissement de l'adoration d'autre que lui. Son envoi a donc illuminé les cœurs de ceux ayant accepté son message après avoir été dans les ténèbres. Leurs cœurs se sont adoucis après avoir été durs. Puis par cela, ils ont atteint la puissance après la faiblesse, l'honneur après l'avilissement et la science après l'ignorance. Ainsi, ils ont conquéri les pays et les cœurs des serviteurs. La parole d'Allah s'est élevée et la parole de mécréance s'est rabaissée, a échoué et a été humiliée. De même, la domination de l'ignorance et du polythéisme a été évincée et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Illa anna iblisa a'adana Allahu minhu li shiddati 'adawatihi li bani al-insan wa 'azimi taghallulihi bil kufri wat tughyan wa mazidi jaddihi fi as-sadfi 'an ta'ati ar-rahman wa in kana qad sadara minhu ma sadara min al-ya's lam yad'a al-jidd fi itfa'i hadha an-nur wat-tanfiri 'an al-haqq والترغيب في أنواع الكفر والإلحاد والفجور والدعوة إلى البدع والإكثار من الأزل المعاصي والشرور وبث الشبه والشبهات وألوان المغريات على أيدي حزبه ومن استجاب له من شياطين الإنس ومن أنواع الخدر بزينة الدنيا وزخارفها الفتانة وضروب الشهوات وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات حتى ثقل على القلوب سماع القرآن وحصل التهاون بوعيده وعدم الاهتمام بزواجره وتهديده ولا سيما بعدما تصرمت أيام القرون المفضلة فإنه قد اشتد الخطب وانفتح باب الشر على مصراعي ولم يزل في مزيد. Cependant, Iblis, qu'Allah nous en préserve, à cause de sa grande animosité envers les humains, de son ancrage dans la mécréance et la transgression, et de ses efforts pour détourner de l'obéissance au tout miséricordieux, et malgré son désespoir, il ne délaisse aucun effort pour éteindre cette lumière, pour faire fuir de la vérité et encourager à toutes sortes de mécréances, d'hérésie et de perversité, et également dans l'appel aux innovations, au péché et au mal. De même, il appelle à la propagation des ambiguïtés, des désirs et des diverses tentations par la voix de ses alliés et de ceux l'ayant suivi parmi les diables humains. Il cherche également à les troubler avec l'embellissement de la vie mondaine, de ses ornements troubleurs et de toutes sortes de désirs, ainsi que par toute cause détournant du rappel d'Allah et de la prière, comme les divertissements et les choses enivrantes. Et ce, jusqu'à ce que l'écoute du Coran devienne lourde pour les cœurs, que les gens négligent la menace d'Allah et ne prêtent aucune attention à ses restrictions et ses dissuasions. Et surtout après l'époque des meilleures générations, car après celle-ci, la situation s'est aggravée et la porte du mal s'est ouverte en grand, et ceci ne fait qu'augmenter. وَإِنْ كَانَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ مَنَّا بِبَقَاءِ أَصْلِ هَذَا النُّورِ وَتَأْيِيدِ هَذَا الْحَقِّ بما أجراه على أيدي علماء الصدق وورثة الرسل من تجديد هذا الدين وإقامة حجج الله على عباده ومع ذلك فالأمر على ما وصفت من تأثير مساعي إبليس وجنوده على الأكثر حتى اشتدت الكربة وصار الدين في غاية من الغربة ولا سيما أزماننا هذه التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة رب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطغى طوفان المادة وأخفى غبار الشهوات والشبهات وضوح الجادة وفشى الجهل، وتكلم في الأمور الدينية من ليس لها بأهل، حتى صرح من صرح من جهلتهم فيما يكتبونه وينشرون بمزيد الحث والتحريض على ما هو من أعظم ما يهدم الإسلام وينسي أصوله العظام، وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض، مرض الجهل ومرض الشهوة ومرض الشبهة، حتى استولت عليها القسوة، فإن لله وإنا إليه راجعون. Et même si notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, nous a comblés par la préservation de la base de cette lumière et le secours de cette vérité, par le biais des savants véridiques et des héritiers des prophètes qui ont renouvelé la religion et établi l'épreuve d'Allah sur les créatures. Mais malgré ça, la situation est telle que je l'ai décrite, avec l'influence du diable et de ses troupes sur la majorité des gens, et ce, jusqu'à ce que l'affliction devienne immense et que la religion devienne étrange. Et surtout à cette époque, dans laquelle, pour la plupart des gens, le convenable est devenu blâmable, et le blâmable est devenu convenable. Pour eux, la sunna est devenue une innovation, et l'innovation une sunna. Les jeunes sont élevés ainsi, et les personnes âgées vieillissent de la sorte. De même, le déluge du matérialisme s'est abattu sur eux, et la poussière des ambiguïtés et des désirs a fait disparaître la clarté du droit chemin, et l'ignorance s'est répandue. Des gens ont parlé sur les affaires de la religion sans être aptes à cela. Certains ignorants parmi eux ont même appelé explicitement dans leurs écrits et ce qu'ils propagent à inciter davantage à ce qui détruit l'islam et fait oublier ses immenses fondements. Les cœurs ont donc été touchés par de nombreuses maladies s'ils ne sont pas tout simplement morts. La maladie de l'ignorance, la maladie des passions, la maladie des ambiguïtés, et ils sont devenus durs. Et certes, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous reviendrons. فَيَا لَهَا مِنْ أَمْرَاضٍ مَا أَصْعَبَهَا مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْأَدْوِيَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَمَا أَسْهَلَهَا وَمَا أَخَفَّهَا وَمَا أَسْرَعَ بُرْءُهَا مَتَى عُولِجَتْ بِالدَّوَاءِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ طَبِيبَ الْقُلُوبِ الْأَكْبَرِ صلى الله عليه وسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهر مرضا لما ينشأ عنه من عمى القلوب الذي هو المرض أي مرض، وفيما بعث به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لهذه الأمراض أنجح دواء وأنفع شفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ces maladies sont donc très difficiles, et surtout avec l'éloignement des remèdes prophétiques, alors qu'elles auraient été bénignes et très vite guéries si elles avaient été soignées avec le remède par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le plus grand médecin des cœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, le prophète alayhi salat wa salam a décrit l'ignorance comme étant une maladie, à cause de ce qu'elle comporte comme aveuglement des cœurs, et quelle grande maladie que celle-ci. Et ce, alors qu'il y a dans le livre et la sunna par lequel il fut envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, les plus bénéfiques des remèdes et des guérisons. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: « Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur » وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et il a dit, Jalla wa'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. فَهَلُمَّ إِخْوَانِي نُدَاوِي هَذِهِ الْأَمْرَاضِ بِأَدْوِيَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَدَبُّرِ أَوَامِرِهِمَا وَنَوَاهِيهِمَا وَوَعْدِهِمَا وَوَعِيدِهِمَا وَزَوَاجِرِهِمَا وَمُذَاكَرَةِ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ وقيامنا مثنى وفرادى، لنتذكر ونتفكر ونتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، ونتعاون على البر والتقوى، ونبحث في أدوية تلك الأمراض التي تحصلها من أسهل شيء عندما تحصل القلوب على الصدق في طلب هذا الدواء، والإقبال على الله في التماس السلامة من تلك الأدواء. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Mes frères, essayons donc de soigner ces maladies avec les remèdes du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en méditant sur leurs ordres, leurs interdictions, leurs promesses, leurs menaces et leurs dissuasions. Rappelons-nous les uns les autres, levons-nous par deux ou isolément, afin de se faire le rappel, de réfléchir, de se conseiller, de s'ordonner le convenable et de s'interdire le blâmable, d'aimer et de détester pour Allah, de s'allier et de se désavouer pour Allah, de s'entraider dans la piété et la bienfaisance et de rechercher les remèdes à ces maladies. Et certes, ils sont très faciles à obtenir lorsque les cœurs les recherchent avec véracité, en cherchant à se rapprocher d'Allah et à être préservé de ces maladies. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. Dis: je vous exhorte seulement une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément et qu'ensuite vous réfléchissiez. هَلُمَّ إِخْوَانِي نُشَخِّصُ سَائِرَ أَمْرَادِ قُلُوبِنَا وَنُشَخِّصُ أَدْوِيَتَهَا ونجاهد نفوسنا على معالجتها من تلك الأمراض المهلكة، ويحض بعضنا بعضا، ويحذر كل منا نفسه وأخاه من وبيل أخذ الله وشديد عقابه الدنيوي والأخروي، ومن الإقامة على أسباب تغيير ما من الله به من التوحيد وتحكيم الوحي المحمدي والعز والتأييد والأمن والصحة. والهدوء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي الأثر أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. إخواني، إن ربنا تبارك وتعالى لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم بالطوفان وسائر من أوقع بهم عقابه وأحل بهم سطوته إلا بعد أن غيروا بمعصيتهم رسله وفسقهم عن طاعته فاستوجبوا التدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Mes frères, essayons d'identifier toutes les maladies de nos cœurs et d'en identifier les remèdes. Luttons contre nos âmes afin de les soigner de ces maladies destructrices. Incitons-nous les uns les autres et que chacun d'entre nous mette en garde sa personne et ses frères contre les châtiments d'Allah d'ici-bas et de l'au-delà. Et contre l'accomplissement des causes menant au changement des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, comme le tawahid, le jugement selon la législation islamique, la puissance, le secours, la sécurité, la santé et la tranquillité. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Et il est rapporté dans le Athar qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un prophète parmi les prophètes de Banu Israël. Dis à ton peuple qu'il n'y a aucun parmi les habitants d'une ville ou d'une maison qui était sur l'obéissance à Allah, puis qui ont changé et sont passés à sa désobéissance sans qu'Allah ne change ce qu'ils aiment vers ce qu'ils détestent. Mes frères, notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, n'a fait changer le peuple de Nuh en les anéantissant avec le déluge, ainsi que les autres peuples ayant subi son châtiment, qu'après qu'ils aient changé en désobéissant à ses messagers et en commettant de la turpitude à la place de son obéissance, jusqu'à mériter la destruction. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Nour? Et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Halumma ikhwani, al-imsak ba'dina biyadi ba'd, wa tanshiti ba'dina li ba'din ila al-yaqadati, wal-intibahi min hadhihi al-raqda. التي طالما انتهز عدونا فيها الفرصة هلم إخواني للتوبة النصوح إلى ربنا ورجوعنا مما يسخطه إلى ما يرضيه قولا وفعلا ومعاملة لبعضنا مع بعض بإخلاص وصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Mes frères, prenons-nous par la main les uns les autres et motivons-nous à se réveiller de cette somnolence dont nos ennemis ne cessent de profiter. Mes frères, repentons-nous à notre Seigneur d'un repentir sincère et revenons vers lui en délaissant ce qui mène à sa colère et en accomplissant ce qu'il aime comme acte et parole. Et comportons-nous entre nous avec sincérité et véracité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Et il a dit, jalla wa ala, « Ya ayyuha alladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. » ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera son prophète et ceux qui croient avec lui de l'effront. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfait notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.